50 languages. 42. 42. 42. زيارة المدينة. La visite de la ville. La visite de la ville. هل يفتح السوق أيام الأحد؟ Est-ce que le marché est ouvert le dimanche? Est-ce que le marché est ouvert le dimanche? هل يفتح السوق الموسمي أيام الاثنين؟ Est-ce que la foire est ouverte le lundi? Est-ce que la foire est ouverte le lundi? هل يفتح المعرض أيام الثلاثاء؟ Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi? Est-ce que l'exposition est ouverte le mardi? هل تفتح حديقة الحيوانات أيام الأربعاء؟ Le zoo ouvre-t-il le mercredi? Le zoo ouvre-t-il le mercredi? هل يفتح المتحف أيام الخميس؟ Le musée ouvre-t-il le jeudi? Le musée ouvre-t-il le jeudi? هل يفتح معرض الصور أيام الجمعة؟ La galerie ouvre-t-elle le vendredi? La galerie ouvre-t-elle le vendredi? هل التصوير مسموح؟ Peut-on photographier? Peut-on photographier? هل علينا دفع رسم دخول؟ L'entrée est-elle payante? L'entrée est-elle payante? كم هو رسم الدخول؟ Combien coûte l'entrée? Combien coûte l'entrée? هل هناك خصم للمجموعات؟ Y a-t-il une réduction pour les groupes? Y a-t-il une réduction pour les groupes? هل هناك خصم للأطفال؟ Y a-t-il une réduction pour les enfants? Y a-t-il une réduction pour les enfants? هل هناك خصم للطلاب؟ Y a-t-il une réduction pour les étudiants? Y a-t-il une réduction pour les étudiants? ما هو هذا المبنى؟ Quel est ce bâtiment? Quel est ce bâtiment? هل المبنى قديم؟ De quand date ce bâtiment? De quand date ce bâtiment? من شيد ذلك المبنى؟ Qui a construit ce bâtiment? Qui a construit ce bâtiment? أنا أهتم بالهندسة المعمارية. Je m'intéresse à l'architecture. Je m'intéresse à l'architecture. أنا أهتم بالفن. Je m'intéresse à l'art. Je m'intéresse à l'art. Ana ahtam bil rasm. Je m'intéresse à la peinture. Je m'intéresse à la peinture. يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.50languages.com للاطلاع على كتبنا وتحميل آخر الإصدارات منها.